C'est pas autrement, la vie est dure, mais en même temps douce. Blues, fou rire, peur, deuil, adrénaline. Déprime, excitation, concrétisation. Solution de dernière minute, décision, guérison. Prison, passion, action, prise de position. Risque, leçon, course, poursuite, conspiration. Elle a un point, c'est tout, transpiration. Pure émanation d'inspiration. Mauvaise ou bonne, de toute façon, elle est hop, on est en meurt, stop. C'est pas ça la vie, mon pote, c'est comme ça la vie, on vivote. Elle est droite, carrée, avec des bosses. Dès que tu tombes, c'est sa faute. Te défie de me dire que je radote. Elle est hot, soft, hard, easy. Fais son sinoche, mortel à coup sûr, faut le dire en mioche. Elle est de toute façon belle et moche, réelle et rush, abondante et dèche. C'est comme ça la vie, c'est comme ça l'aime. Faut que je prenne le papier, le stylo. On se nourrit pas avec des idéaux. Ma vie, un putain de rodéo. J'attends pas que l'étoile du destin se mette en mouvement. C'est le récit de ma vie, une traversée à contre-courant. J'ai trop laissé passer ma chance. Trop souvent, fais confiance, amitié piétinée, la rancœur plongée dans l'essence. Y'a du démon sur la route de la réussite. Ça sent l'embouteillage, je suis un VIP. Moi je m'invite, mais j'évite la main glacée de la mort. J'ai pas besoin de son réconfort, je kiffe trop la vie, ça me rend fort. Je profite des bons moments, supporte les mauvais. J'évite de ressasser, ressasser, c'est refuser d'avancer. Les dés sont lancés, la partie est enclenchée. C'est comme ça que ça marche, soit tu t'embarques, soit tu sautes en marche. Mon esprit fait des crises d'insomnie, j'ai du mal à rêver. Seule la parole du tard arrive à me bercer. C'est comme ça la vie, c'est comme ça l'est mon amour. Oh, c'est comme ça la vie, c'est comme ça on construit la vie. Oh, c'est comme ça la vie, c'est comme ça les envies, la vie. Oh, c'est comme ça la vie, c'est comme ça gentil et la vie. Ce jour-là a sûrement changé ma vie. J'ai pas flairé le danger, j'avoue avoir eu envie de ressembler à certaines personnes. Sans me dire une seule fois, la vie c'est ça bonhomme. C'est à toi de percer pour pas vivre tel un fantôme. Les coups fatals, les manques de chance sont qu'un syndrome, ça peut se guérir. La roue tourne, ils l'ont oublié. Ils veulent qu'avec les tiens t'es plus le sang lié. J'suis pas prêt à acheter les ponts, j'vive sous un pont à faire de la plonge. J'suis encore là pour un bon moment. Un petit clin d'œil à la maman, c'est elle qui m'a tout appris. Et y'a qu'elle qui m'a jamais surpris. La vie n'est pas nickel, petit. Y'a des vents froids, des canicules, mais c'est ainsi. Avant de s'éteindre et de s'effacer dans le ciel, y'a des valeurs à étendre, sinon ce serait facile. Et j'ai mis du temps à tout comprendre, à savoir qu'à chaque faux pas ta vie peut se fendre. Donc j'évite les pièges pour me défendre. C'est comme ça, pas autrement, je vis pas dans un autre monde, sinon je penserais autrement. Maintenant tu sais ce que je pense et ce qui me fait honneur quand c'est j'avance. Comme ça, la vie.